Antena 1 Liga Portugal. Daqui a pouco vou falar-lhe em pormenor das temperaturas do ar. Estão agora 10 graus no Porto, 13 em Faro, 8 em Lisboa, 15 em Ponta Delgada e 14 na cidade do Funchal. As notícias às 6. Soleil, dès 7h du matin, c'est Francky sur Radio Arc-en-Ciel. Voilà la familia, bonjour, bon réveil, bon dia, la planète, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle nuit. Coucou à José qui est déjà là, salut à M. Faria aussi qui est là, salut la famille, tout le Portugal en forme ce matin. Ça caille un petit peu, hein, un petit peu, pas grand chose. Normalement, le ciel sera très nuageux aujourd'hui, avec quelques rayons de sol, mais très timide, les températures 4 degrés au lever du jour, et on va pas dépasser les 6 à 8 degrés. Salut Lolo, qui est connecté aussi du côté de Saint-Jean-de-Bray. Salut Francky, belle journée à toi. Merci, vous êtes nombreux sur Messenger, de plus en plus nombreux le matin à nous écouter sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. On vous souhaite une très très bonne matinée. Bon petit-déj aussi, parce que, bah oui, c'est l'heure du petit-déj. Et puis le Père Noël qui va arriver dans quelques jours. Malgré le Covid, eh bien, on sera là avec vous pour vous soutenir, vous encourager et vous passer des très très bonnes matinées avec Francky dans la radio. 7h, 9h, New York City Boy. Ça, c'est pour bien vous réveiller avec le meilleur des souvenirs des Pet Shop Boys. c'est bon ça, les Patcho Boys, New York City Boy, Bandi à la Familia. Ton rayon de soleil, dès 7h du matin, c'est Francky sur Radio Arc-en-Ciel. Et puis Francky, et puis Monsieur Feria qui est là, de côté de la radio, sur la tangentielle. Bandi à Monsieur Feria. Bandi à. Ça va la forme? Ça va la forme, papa. Ouais, au début je crois que t'étais aux toilettes, au moins, ça captait mal. Ah oui, c'est la campagne. Eh ouais, la campagne, mon ami. Bon, comment ça se passe le réveil le matin? Pas trop dur? Oh, ça va, il y a les vacances, ça prend, ça va, c'est nickel. Eh ouais, c'est quand? C'est de ce soir les vacances ou demain? C'est demain soir. Eh ouais, vacances de Noël, ça y est, approche. Hein. Tu fais quoi pour les fêtes de Noël, toi? Je vais aller en faire un pétard, tu vas te voir. Ah ouais, d'accord, ok, bon, on te verra alors, on te verra manger alors. Il n'y a pas de problème, mon ami. Tu finis à quelle heure aujourd'hui? Tu finis à quelle heure? À 5h. À 5h, il n'y a pas de piscine aujourd'hui, hein? Non. Pas encore. Je sais. Eh ben écoute, bon courage Monsieur Farléa. Merci, toi aussi. Allez, bonne journée sur Radio Arc-en-Ciel, salut. Bisous, bisous. Ça fait plaisir d'avoir les auditeurs comme ça qui nous écoutent le matin. Vous aussi, vous pouvez nous appeler 02 38 43 48 00. C'est le numéro du standard. On vous souhaite une très très bonne matinée sous le son de Radio Arc-en-Ciel. Salut à Marquito qui est là aussi. Tiens, il y a longtemps qu'on l'avait pas vu, le petit Marquito. Ça me fait du bien de le retrouver, un de ces quatre à la radio. Elson qui est là aussi. Nelson, pardon. Salut Nelson. Passe une belle journée, Francky. Merci à toi d'être là tous les matins. Bah oui, on est là pour vous réveiller et vous donner le smile. C'est important le smile. Et le sourire dès le matin, bah oui, c'est pas le smile, il n'y a pas de journée. En tout cas, on est heureux. Salut à José, t'es encore là, dans le camion. Salut Francky, je suis dans le camion, direction le boulot. Ça me fait plaisir de t'écouter le matin avec des bons souvenirs. Bah on en a plein. Et puis Ryan Paris et Dolce Vita, à l'ancienne, comme on dit. Allez, belle journée, bon petit déj, 7h05 sur la radio couleur. 96.2 FM, votre fréquence du matin, au boulot, au bahut, on vous réveille. 7h-9h, Francky au réveil sur Radio Arc-en-Ciel. C'est Francky dans la radio avec Kenji Girac, Macalina. Salut à Béatrice aussi qui est connectée du côté d'Orléans, sur la tangentielle aussi, direction le boulot, Francky. Et demain, je suis en vacances de Noël. Beaucoup sont en vacances de Noël. Et vous faites quoi pendant les vacances? Bah, appelez-nous au 02 38 43 48 00. C'est le numéro du standard. Vous pouvez vous lâcher. On est en direct jusqu'à 9h. Et puis notre invité tout à l'heure, 8h30, ça sera Tiad. Tiad, le cirque Grus, Alexis Grus. Eh ouais, c'est l'époque du cirque pour les vacances. Pourquoi pas une bonne idée d'aller faire un petit tour du côté du cirque. Monsieur Loyal, on parlera justement du cirque Grus tout à l'heure en direct. Dans les studios de la radio Arc-en-Ciel, et puis on aide les discothèques. Très souvent, nous écoutons une musique à la radio et nous allons la danser en discothèque. Ne les laissons pas mourir. Soutenons les discothèques. 7h16, on va s'aimer, on va danser, on va chanter sur la radio couleur avec Khaled. C'est la vie, c'est la vie, bah c'est comme ça. Et au mois de janvier, il sera au Zénith d'Orléans. C'est Tony Carrera, puis la radio Arc-en-Ciel est partenaire de l'événement. Ratez pas cette date, 21 janvier au Zénith d'Orléans. Tony Carrera sur Radio Arc-en-Ciel. Tony Carrera, il sera au Zénith d'Orléans le 21 janvier. Radio France, les partenaires, et on aura sûrement des places à vous faire gagner. Eh ouais, ça se passe comme ça, le matin, 7h-9h. Demain, ça y est, les vacances de Noël, c'est ce que me dit Elisabeth. Francky, merci d'être là. Merci pour Tony Carrera. J'adore, je suis fan et j'adore. Ça me rappelle les souvenirs avec mon père. Bah voilà, des bons souvenirs le matin. La météo qui arrive. La météo. La météo pour aujourd'hui, le ciel est couvert, nuageux, pas de pluie prévue au programme, quelques rayons d'où le sol, mais très timide. Les températures relevées du jour, 4 petits degrés, du côté d'Orléans, Saint-Jean-de-Bray, Fleury-les-Aubrais, encore la chapelle Saint-Mémin, et on ne dépassera pas les 8 degrés, pas de pluie au programme, mais un ciel chargé, avec quelques petits rayons de soleil tout à l'heure. Normalement, si tout va bien, et surtout va bien, le son caliente, avec Niki Nikiyam. Te digo de mi parte que no aguanto más. Ya no aguanto ver el otro como dice que es el dueño tuyo. Me mata el orgullo, él ni te sabe hablar. Esta la hice pa' él. Cuando la escuche quiero estar ahí para ver. Cuando se entere y sepa que soy dueño de usted. Un poco mal lo sé y no me luce. Todo es por usted. Mami, yo me siento tuyo. Yo sé que no te sientes mía. Y la noviecito tuyo que con él te sientes fría. Mami, yo me siento tuyo. Yo sé que no te sientes mía. Y la noviecito tuyo que eres una fortuna.

Un bonjour à l'antenne? Appelle le 02 38 43 48 00. Forcément les anciens là, 84, ça va vous rappeler des bons souvenirs. What a Feeling, la bande originale du film revue et masterisée par Son of Legend, Irene Cara, des bons souvenirs, bah oui. Son rayon de soleil, dès 7h du matin, c'est Francky sur Radio Arc-en-Ciel. Et qui n'a pas dansé devant ce film, et puis émouvant, flash dance, ah là là là là, les bons souvenirs. Du son qui arrive, on a Camaro avec Femme Like You, et puis aujourd'hui à Cap-Saran, le centre de vaccination qui ouvre ses portes, hein, ça va vacciner jusqu'à 200 personnes par jour. C'est un petit peu moins que les autres, mais bon, c'est plutôt pas mal. Et puis grève à SNCF demain, bah ouais, malheureusement, hein, pour les vacances de Noël, quelques perturbations sur les réseaux de la SNCF, donc consultez le site sncf.fr, et vous aurez toutes les bonnes infos. Justement, si vous bossez à la SNCF, appelez-moi, dites-moi ce qui se passe demain, 02 38 43 48 00. Le cirque de Noël Alexis Grus est en place du 20 au 31 décembre, ça y est, vous pouvez aller avec les enfants, magnifique. Eh bien, il sera notre invité, Monsieur Loyal, Tiad, dans les studios de la radio tout à l'heure, en direct à 8h25. Tiad, Alexis Grus, le cirque en direct de Radio Arc-en-Ciel. Et ça se passe du 20 au 31 décembre à Saint-Jean-de-Bray. Allez voir, c'est magnifique pour les enfants. Franchement, ça vaut le détour. On en parle tout à l'heure avec lui. Quel est le programme? Eh bien, il nous dira tout. Et Camaro qui arrive, ah là là, forcément, le meilleur des souvenirs, c'est sur Radio Arc-en-Ciel. On est en direct, ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Yes! Je m'appelle Camaro. Ouais. Je m'appelle Francky le matin. 7h, 9h. Le meilleur des années 2000. Camaro, Femme Like You. Ready, girl? Come on. Let's do this, gangsta. Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton bon vieux fond, ton rock, baby, ta soul, baby. Chante avec moi, je veux. Like you, bad boy to six and play, no, like you, ce regard dans la face qui me ramène à la case départ, là où je suis parti, nous ramène à la soirée du bar quand on est sorti. Et c'est cette même complicité qui s'installe quand on est sur la scène et qu'on brille sous la même étoile. Quand ta voix croise la mienne, que j'ai ta soeur dans mes veines, comme on voit un coup dans les veines. Une femme t'es belle et quand tu chantes t'es sexy, flash sur elle. Francky dans la radio jusqu'à 9h. Vous avez peut-être rêvé cette nuit, peut-être rêvé de moi, je sais pas. En tout cas en France, 93% des Français rêvent en max. Le premier rêve, c'est le boulot. Eh ouais, il y en a qui rêvent de leur patron par exemple. Ça c'est le numéro 1. En numéro 2, les Français rêvent érotique. Eh ouais, ça arrive un petit peu. Donc vous avez rêvé cette nuit, appelez-moi 02 38 43 48 00. Et en numéro 3, ils ne se rappellent pas du tout de quoi ils ont rêvé, les Français. Numéro 1, le boulot. Le 2, l'érotique. Et on ne se rappelle pas. Quel est votre rêve cette nuit? Vous en rappelez ou pas? Eh bien, 02 38 43 48 00, c'est le numéro du standard. Stéphanie qui est connectée. Salut Francky, merci d'être là le matin. Ça nous fait vraiment, vraiment, vraiment, vraiment plaisir. Bah moi aussi, la lambada qui arrive. Ça, c'est le meilleur des souvenirs. Bah ouais, forcément. Elle nous a quittés il y a quelques années déjà, il y a 3 ans, je pense. Lambada, la version originale, en 1989. Só me en esta historia algo que confesar. Ya entendí muy bien qué fue lo que pasó. Y aunque duela tanto, tengo que aceptar que tú no eres la mala, que el malo soy yo. No me conociste nunca de verdad. Ya se fue la magia que te enamoró. Y es que no quisiera estar en tu lugar, porque tu rol solo fue conocerme. Bon dia, 7h42 minutes avec Luis Fonsi, Demi Lovato et Chapman La Culpa. Céline qui nous dit, ça y est, les vacances ce soir, Francky à 17h. Ah là là, la chance, la chance. Et puis du son pour bien vous réveiller, puis pour bien rappeler des bons souvenirs. Avec Mr. Presidente et Coco Jumbo dans les années 96. En direct à la radio 96.2 FM. 02 38 43 48 00, c'est le numéro du standard. Si vous voulez prendre l'antenne, et bien allez-y, lâchez-vous. What they say, but I can't prove. So turn it up again and watch me move to the groove. As we get close, you whisper Coco. I hold you in my arms and you say Jumbo. Scream and shout, turn and say Columbo. Now I gotta go, so Coco. Put me up. Let me show you around while you skip your TG. But no Coco Loco boom while I take a peeling. When I hold my baby, she say I do it nicer. I'll have my chicken with rice and lemonade. And that's what you get when she shouts that Jumbo. Now I gotta go, yo Coco. Put me up. Make me vrai que les années 90 c'est autre chose quand même, hein. C'est ce que nous dit Céline. Ouais, la musique à l'époque c'était mieux. Bah ouais, ouais peut-être. À voir. En tout cas, lui, il a fait un tube avec ça. Il était numéro 1 pendant 16 semaines. Mr. President et Coco Jumbo, c'était en 1996. Eh ouais, chichi, chouchou, chocolat. C'est quoi le programme de ce matin? Vous allez au boulot? Bientôt les vacances? Demain, peut-être les vacances de Noël? Voici l'artiste et chocolat. Belle journée et bon réveil. Notre invité, tout à l'heure, on en parle à 8h25 avec Tiad, Alexis Grus, le Cirque Grus en exclusivité. Ça se passe du 20 au 31 décembre à Saint-Jean-de-Bray. Il sera là en direct. J'ai voulu percer ton cœur en titane. J'ai vite compris que je n'étais pas taille. Baby, alors, on va où? On fait quoi? On s'enfuit, loin d'ici, on est là. On est si différents, c'est ce qui nous attire. Bang, bang, bang, autour ça tire. Viens avec moi si t'es prête à partir. Je veux pas rester là, ils veulent nous en servir. Baby, alors, on va où? On fait quoi? On s'enfuit, loin d'ici, on y va. Elle est sexy raffinée. Sexy raffinée. Elle est sexy raffinée. À la radio et nous allons la danser en discothèque. Ne les laissons pas mourir. Soutenons les discothèques. 7h, 9h, votre réveil matin, c'est Francky. 11 heures, c'est l'attaque à l'écho. Bam, bam, Calico, les peaux à tout, elle a claqué, le club fait le show. Bam, bam, bam, et si les prières restent au gauche. Bam, bam, bam, j'adore Larissa qu'on aura au téléphone la semaine prochaine au Portugal. La force, la bondi à la famille à 7h52 minutes en direct. L'horoscope qui arrive. Et oui, alors que va-t-il se passer pour vous aujourd'hui? Eh bien, la réponse en image. L'horoscope, c'est maintenant. C'est maintenant et on démarre avec les béliers. Les béliers, vous ressentez de plus en plus souvent un besoin d'indépendance. N'hésitez pas à vous accorder du temps pour vous, c'est super important. Les taureaux, ce ne sera pas la bonne période pour vous aborder les sujets délicats avec votre partenaire. Laissez passer un peu de temps. Les gémeaux, l'univers sentimental est plutôt calme aujourd'hui, mais la vie familiale semble relativement houleuse. Les cancers, vous aurez tendance à en faire un petit peu trop aujourd'hui pour impressionner un membre de votre famille. Les lions, votre conjoint et vos enfants n'admettront pas que vous tentiez de leur imposer votre volonté. Les vierges, c'est toujours la passion qui règne dans votre ciel affectif. Elle en prend d'ailleurs l'aspect un peu rude aujourd'hui. Les balances, en couple, vous ne réussirez pas à repousser les idées noires et vous serez prêt à tout remettre en cause si les doutes persistent. Les scorpions, vous êtes énergique et enthousiaste. Cela fait plaisir à voir, mais cette motivation sera très très contagieuse. Les sagittaires, vous voulez faire cavalier seul et oubliez souvent et consulter votre moitié. Si ce style de vie vous attire, il serait peut-être intéressant de vous poser des bonnes questions. Les capricornes, vous serez de bonne humeur aujourd'hui et cela se répercutera sur l'ambiance familiale. Les verseaux, célibataires, vous pourrez vous laisser aller à faire une déclaration d'amour aujourd'hui sans crainte. Eh, pourquoi pas? Les poissons, pour terminer, les rapports avec l'autre sexe seront teintés de romantisme aujourd'hui. Bientôt les fêtes de Noël. Et ouais, les vacances aussi, c'est ce que nous dit Pascal sur le site internet de la radio. Ça y est, ce soir, 18h, c'est les vacances. Et jusqu'au 3 janvier, ben, il y en a qui ont de la chance, je vais vous le dire. Hein. Du son Calente qui arrive avec Van Bailalo, Latin Connection sur la radio couleur. Belle journée, bon petit déjà, vous courage si vous allez au boulot ce matin. Voici du son Latina. Me vuelves loco cuando tú me pegas, mami. Es que me vuelves loco cuando tú me besas, mami. Es que me vuelves loco y loco. Es que me vuelves loco. Es que me vuelves loco y loco. Es que me vuelves loco. Es que me vuelves loco cuando tú me pegas, mami. Es que me vuelves loco cuando tú me besas, mami. Es que me vuelves loco y loco. Es que me vuelves loco. Radio Cancel 96.2 FM avec le meilleur des souvenirs latina. À Ven by Lalo Latin Connection. Ton rayon de soleil dès 7h du matin, c'est Francky sur Radio Arc-en-Ciel. Et un nouveau centre de vaccination qui vient d'ouvrir à Cap-Saran. Aujourd'hui, il ouvre ses portes. Il va pouvoir vacciner plus de 200 personnes par jour. C'est un petit peu léger par rapport aux autres centres, mais bon, ça peut filer un coup de main. Centre de vaccination qui ouvre aujourd'hui et ça se passe à Cap-Saran. Et puis demain, eh ouais, malheureusement, la grève SNCF qui démarre dans les trains. Donc renseignez-vous hein, sur le site de la SNCF officielle. Comme ça, vous saurez si vous voulez partir pour les vacances de Noël. Est-ce qu'il y aura un train ou pas, eh bien, direction le site de la SNCF parce que la grève démarre demain. Ouais, c'est vrai que c'est toujours pendant les fêtes de Noël, malheureusement. Heureux d'être là avec vous, Francky dans la radio. Le cirque de Noël, Alexis Grus, Monsieur Royal, Tiad sera dans nos studios tout à l'heure à 8h30. Ça se passe du 20 au 31 décembre. Monsieur Royal sera là, Tiad, pour nous parler de ce beau cirque. Ah ouais, les enfants prennent plein les yeux. Franchement, ça va être un bon moment interview. Il sera dans les studios de la radio. Il a accepté notre invitation. Ça sera tout à l'heure à 8h30. Tiad, Alexis Grus, le cirque Saint-Jean-de-Bray du 20 au 31 décembre. Un bon moment à passer entre amis, avec les gamins aussi, pourquoi pas. Et puis le meilleur des souvenirs, les années 2000, c'est les meilleures années, à 90 moi je dis. Voici Non Merci, Where You Go sur la radio couleur. Belle journée, bon réveil. Dès 7h du matin, c'est Francky sur Radio Arc-en-Ciel. Kiffer ce titre, hein. Ah ouais, ça vous rappelle le film Love Me Like You Do. Ellie Goulding, la version Kizomba, heureux d'être là, hein. Frankie dans la radio, les Orléanais aussi dans les cieux de la radio. La Jarry, leur nouveau hit, on n'a pas le choix, c'est vrai qu'en ce moment il est circonstance de titre. Voici le tout nouveau La Jarry, on n'a pas le choix, c'est sur un air français. Prendre la vie comme elle vient, on n'a pas le choix. soleil, dès 7h du matin, c'est Francky sur Radio Arc-en-Ciel. Le son de Maluma sur la radio couleur Felices Los Cuatro. Redoutre avec vous, c'est Francky dans la radio. 8h30, il sera notre invité, Monsieur Royal du Cirque Grus. Oui, une pliade dans les yeux de la radio. Le Cirque Grus, c'est du 20 au 31 décembre pour en prendre plein les yeux, les enfants. Voilà. Pourquoi pas aujourd'hui, demain, après-demain. On en parlera avec lui justement du programme Le Cirque Grus dans les yeux de la radio. Monsieur Loyal nous parlera justement de cette belle journée avec lui tout à l'heure dans les studios de la radio. Du son qui arrive avec Juliette Armanet et on adore le dernier jour du disco. Bah pas encore, on a le temps encore, hein. On adore. soleil, dès 7h du matin, c'est Francky sur Radio Arc-en-Ciel. Je vous le dis, à la fin du film, il meurt. Ah ouais, tant pis. Los Lobos avec la bomba. Très beau film à voir ou à revoir. Hein, pour ceux qui l'ont pas vu, bah, je vous dis, à la fin, bah, accident d'avion, c'est fini. La bomba, il n'y a plus de bomba. La bomboche ici. Enfin, un petit clin d'œil à la préfecture d'Orléans. Voilà, plus de bomboche pour le nouvel an. Personne ne pourra danser. Ouais, ouais, mais on est là pour vous soutenir et faire la fête avec vous. Et soutenez les discothèques. Elles en ont besoin, je vous le dis, moi. Très souvent, nous écoutons une musique à la radio. Et nous allons la danser en discothèque. Ne les laissons pas mourir. Soutenons les discothèques. 7h-9h, Francky au réveil sur Radio Arc-en-Ciel. I'm gonna wet this, let's get reckless. Make this, might be the best trip. If I'm a set list, cannot forget this. Just take this girl and flex this. Boom flick, for the pool and bless this. We not fed this girl, just let this energy come shock like electric. Ooh, why that, ayo? Baby, why not, ayo? Vale a pena lutar. Why it, baby? Why? Baby, eu vi no pau dos. international party animal. Let me tell you about who this dude is. Bientôt le retour, ah ouais, restez connectés, il revient bientôt. Heureux d'être avec vous, c'est Francky dans la radio, 8h22, 8h30, il sera notre invité. C'est Iyad, Monsieur Royal, le cirque de Russe. C'est du 20-31 décembre, on vous en parle tout à l'heure en direct avec lui. Bah ouais, avec le rayon sous le sol et aujourd'hui la météo, bah c'est moyen, c'est moyen. La météo. Le ciel est couvert, nuageux malheureusement ce matin. Les températures 4 petits degrés au lever du jour du côté de Saint-Jean-de-Bresse, Saint-Jean-de-la-Ruelle, Saran. On va pas dépasser les 7-8 degrés donc ce matin. Couvrez-vous. Je vous le disais, notre invité dans quelques minutes, ça sera Monsieur Loyal. Eh ouais, le cirque de Russe à l'honneur sur Radio Arc-en-Ciel. Restez positif, c'est super important. Matt Houston. Faut pas oublier, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Un bonjour à l'antenne, appelle le 02 38 43 48 00. 7h, 9h, le matin c'est bien et c'est Francky, arc-en-ciel. Notre invité qui arrive dans 5 minutes du 20-31 décembre, le Cirque de Russe, Monsieur Loyal Tiad est dans les studios, on l'accueille dans moins de 6 minutes et juste avant, le meilleur des souvenirs latinas avec la Camisa Negra. Belle journée et bon réveil sur le 96 de Orléans. 7h, 9h, Francky le matin sur Arc-en-Ciel. Le matin c'est bien Tintin. desde que tú te fuiste. Yo solo tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma. Yo por ti pedí la calma y casi pierdo hasta mi cama. Cama, cama, cama, baby, te digo con disimulo que tengo la camisa negra y debajo tengo el difunto. Amor, no me interesa lo que ayer me supo a gloria, hoy me sabe pura. Miércoles por la tarde y que no llegas, ni siquiera muestras señas. Yo con la camisa negra y tus maletas en la puerta. Mal parece que solo me quedé y fue pura todita tu mentira. Qué maldita mala suerte la mía, aquel día te encontré. Por beber del veneno, me alivio de tu amor. Quedé moribundo y lleno de dolor. Respiré de ese humo amargo de tu adiós. Y desde que tú te fuiste, yo solo tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma. Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama. Cama, cama, cama, baby, te dijo con disimulo que tengo la camisa negra y debajo tengo el difunto. Tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma. Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama. Cama, cama, cama, baby, que dijo con disimulo que tengo la camisa negra y debajo. Oye, José, la camisa negra. Radio Arc-en-Ciel, l'invité du jour, c'est maintenant. Et quel invité du jour? J'ai envie de faire les trompettes, les fanfares, j'ai envie de faire les tambours. Tiad est notre invité. Bonjour Tiad. Salut Francky. Eh ben quel plaisir de te revoir sur Radio Arc-en-Ciel. Ça fait longtemps, ouais, c'est sûr. Dès qu'on peut, on se retrouve sur la radio couleur. Alors bien sûr, nous désinfectons tous les micros avant que tu arrives. Hein, super. Je m'en occupe personnellement. Voilà. Pas de souci, tout va bien. Je passe un quart d'heure à tout faire le tour. Heureux d'être avec toi. Du 20 au 31 décembre, le cirque Grus met son habit de lumière, on va dire. Exactement. Monsieur Loyal, eh bien c'est toi. Eh bien oui, bah c'est la deuxième année que je suis au cirque d'Alexis Danargoul-Grus. Et puis bah, c'est un vrai plaisir de pouvoir retrouver les gens sur scène, surtout aussi. Tu m'étonnes. Voilà, enfin, sur la piste, parce que au cirque c'est la piste. Mm-hmm. Et de pouvoir retrouver la chaleur du public. Même masqué, on sent quand même, voilà, avec les applaudissements, ça fait du bien. La joie de vivre, des enfants, des adultes aussi. Et bien surtout de voir dans les enfants, dans les yeux des enfants, les yeux qui brillent, qui sortent du spectacle, qui sont heureux. Mais pas que, aussi les adultes qui sont en manque de spectacle et qui, ouais, voilà, qui retrouve ça, ouais, exactement. Comment ça se passe depuis deux ans justement, Monsieur Loyal? Alors c'est qui Monsieur Loyal avant de démarrer un peu ce bel interview radio? Alors Monsieur Loyal, c'est le présentateur, c'est le fil rouge hein, du cirque. Mmh. C'est lui qui va vraiment mettre en avant les artistes. C'est lui qui va gérer s'il y a un problème dans le spectacle, un problème technique ou quoi que ce soit. C'est lui, ouais, surtout qui va. Ouais, c'est vraiment un fil rouge. C'est-à-dire qu'il accompagne aussi. Là par exemple cette année, je suis assez proche de notre clownette, puisque c'est une femme cette année. Bonjour la clownette, voilà. Et du coup, effectivement, il y a un jeu qui se crée entre nous et ce qui crée le spectacle, justement, quoi. Voilà. C'est-à-dire que moi, si je suis pas en forme, c'est pas que personne est en forme, mais ça va vite se sentir, ouais, sur le spectacle, parce que je donne quand même la dynamique et le rythme du spectacle. Et c'est vrai que j'ai intérêt d'être au taquet, parce que Il faut arriver de bonne humeur tous les jours. Eh ben oui. C'est un peu comme les radios le matin. T'es le starter, on va dire, du cirque alors. Oui, le starter. Enfin après, voilà, ce sont vraiment aussi. Ce ne sont même que les artistes qui eux mettent qui font que ce spectacle existe et la qualité de ce spectacle, parce qu'Alexis Grus choisit très très bien ses numéros, et on a des numéros cette année encore d'une très grande qualité. Donc c'est vrai que oui, voilà, mais je suis le fil rouge, oui, quand même. Il faut quand même que je sois en forme, parce que sinon ça amène une mauvaise dynamique dans le spectacle, et puis ça tourne moins bien, on va dire, quoi. Voilà, ouais. S'il y a un moins bon ressenti. Un beau fil rouge en tous les cas, du 20 au 31 décembre, Monsieur Loyal qui dynamise ce cirque Alexis Grus que vous vous retrouvez à Saint-Jean-de-Bray. Exactement. Hein, si voilà, tout à fait. C'est quand les spectacles alors? Alors les spectacles, c'est du 20 au 31 tous les jours à 16h, sauf le 24 et le 31 où les spectacles sont à 14h. D'accord. Voilà. Donc on peut s'inscrire, on peut acheter les billets sur place. On peut alors pour s'inscrire, c'est sur via le site internet du cirque de l'école cirque Alexis Anargoul Grus. Il y a billetterie en ligne, donc tout ce qu'il faut pour pouvoir commander des places, voilà. Et puis également vous pouvez je sais même pas si on peut venir au cirque directement. Je crois qu'il faut commander en ligne que en ligne. C'est mieux en ligne. De toute façon, c'est mieux en ligne. Ça c'est sûr. Le Covid maintenant, c'est beaucoup mieux. Alors les coulisses, comment se passe entre, je sais pas si on appelle ça un entraînement, les répétitions. Monsieur Loyer, avec les artistes qui sont là, les clowns et tout. Comment ça se passe, la synchronisation? Dans le milieu du cirque, ça va très très vite. C'est-à-dire qu'on a eu, on va dire, une journée, ou enfin deux jours. Sur deux jours, en fait, on s'est rencontrés et on a répété très vite. On a fait une première générale et hop, c'est parti, tout le monde dans la piste. C'est un peu, sur tous les numéros, c'est pas du sans filet, mais il faut vraiment être au taquet et démarrer tout de suite parce qu'on n'a pas, genre, trois semaines de répétition. On a vraiment le temps de... Il faut très vite être réactif sur les numéros. Très vite, moi, je fais le tour de tous les artistes aussi pour voir ce qu'ils font, comment ils s'appellent, etc. Donc, c'est vrai que ouais, c'est au début, c'est toujours une mise en place qui est assez stressante, on va dire, pour moi en tout cas, parce que c'est vrai que bon, puis moi, c'est mes premières années en Monsieur Loyal aussi. T'es pas vraiment du cirque, on va dire. Oui, j'ai intégré l'équipe depuis deux ans. Puis je suis arrivé en plus en tant que présentateur. Je savais présenter, mais là, Monsieur Loyal, c'est autre chose que la présentation. C'est jouer. Un personnage, c'est pas ne serait-ce qu'au niveau de ma voix, j'ai souvent tendance à reprendre ma voix normale et non, il faut justement que je mette beaucoup plus de graves. Enfin voilà, tu vois, ce sont des choses qui, c'est tout ça, ça se travaille en fait. Dans ce bel ami de lumière. Exactement. Sur mesure en plus. Hein. Oui, là c'est du sur mesure les costumes. Ouais. J'ai la chance avec Anargoul Grus qui a des goûts absolument merveilleux et qui me dirige vers des costumes qui sont très jolis. Et là cette année la veste que j'ai me plaît beaucoup. Alors qu'est-ce qui plaît justement aussi au public, qu'est-ce qui plaît beaucoup, le spectacle favori des adultes ou des enfants? Alors bah on a évidemment le côté on a le côté et émotionnel et sensationnel, c'est-à-dire qu'il y a le côté artistique avec tous les numéros comme le fil de feriste, comme on a un final qui est absolument ultra sensationnel, je t'en dirai pas plus parce qu'il faut qu'ils viennent voir le spectacle aussi, on a cette année vraiment un final qui est extraordinaire et vraiment dans la sensation. Et puis il y a aussi le côté clown, le côté drôle avec c'est ce qu'il faut marrer les enfants cette année. Elle est géniale, ouais. Enfin tous les numéros cette année sont absolument comme il y a deux ans, hein, sont formidables. Et puis on a des artistes internationaux qui nous viennent vraiment de partout et qui ont des très grandes carrières derrière. On a un artiste qui nous arrive des États-Unis là, enfin bon, c'est vrai que il y a plusieurs nationalités et c'est vrai, ça fait la richesse de ce spectacle, du spectacle d'Alexis Grus, quoi. Ouais. Comment t'en es arrivé là aujourd'hui, toi, d'intégrer Monsieur Loyal et Tiad? Mais on s'est rencontré on s'est rencontré vraiment par hasard avec Alexis et il cherchait un chanteur qui fasse Monsieur Loyal. Et quand je suis venu au cirque, il pensait que j'habitais à Paris et je lui ai dit non, j'habite à 100 mètres du cirque. Tu peux venir à pied. Et voilà, et puis mais du coup ça s'est fait comme ça. On a essayé d'abord au départ pour voir ce que ça donnait. J'ai fait la première saison et puis après on a vu que ça collait et puis voilà, après j'ai encore un apprentissage à faire au fur et à mesure. Et en rencontrant divers artistes qui tournent depuis des années dans le milieu du cirque, moi ça m'apporte aussi parce que je leur pose des questions, je leur demande, etc. Et effectivement maintenant je me sens beaucoup mieux dans mon rôle de Monsieur Loyal où je m'éclate en fait, parce que c'est génial. C'est génial, t'intègres la famille du cirque. Alors c'est quoi, c'est juste pendant la période de Noël ou alors est-ce que le reste de l'année je suis souvent dans les parages, je suis souvent au cirque parce que voilà, exactement, on y prend goût et puis on a d'autres soirées qui sont en train de se mettre en place aussi. Le spectacle c'est effectivement pendant la période de Noël, mais après on fait aussi des spectacles de temps en temps au cirque Grus. Toi tu y es chanteur aujourd'hui, tu serais prêt à faire que le cirque ou alors tu es toujours dans la partie chanson? Je suis toujours dans la partie chanson évidemment, mais le cirque c'est vraiment, pour moi c'est l'hiver, parce que c'est l'hiver que ça se passe au cirque. Après faire que Monsieur Loyal, non, parce que mon métier ça reste chanteur, et c'est quelque chose que je fais en plus et qui me plaît. J'ai vraiment pris goût au cirque et puis l'atmosphère et tout ce qui s'y passe là-bas. Et puis on a vraiment la chance d'avoir des super artistes. On a la chance aussi à la fin du spectacle d'avoir un formidable Père Noël. D'ailleurs, je fais un petit clin d'œil parce que c'est son anniversaire aujourd'hui. Eh ben bon. Je sais que qu'il est en train d'écouter, donc un c'est joyeux vrai. Anniversaire ouais au Père Noël du cirque Grimm. Je prends le mot Père Noël. Bon anniversaire. Voilà, exactement. Pourquoi pas écrire je sais pas, toi tu es chanteur, tu écris des textes, des chansons, pourquoi pas faire un album sur le cirque musical, je dirais aujourd'hui peut-être pour Alors, j'ai un titre j'ai un titre qui est en préparation, j'en ai jamais parlé encore à la radio, mais il est en préparation. Bon, avec tout ce qui s'est passé, ça a été reculé, ça devait sortir il y a 2 ans. C'est un titre sur le thème du cirque justement, où je serai probablement en Monsieur Loyal sur ce projet-là, et c'est un titre que je suis en train de préparer avec le compositeur du Moulin Rouge en fait, Pierre Porte. Bien, ouais. Voilà, et on est en train de préparer ce titre-là qui va être enregistré courant mai, je pense, voilà, durant le printemps en fait. Bon, comme tout le monde, on sait que le Covid malheureusement est là toujours. Et là. Oui. Est-ce que c'est facile aujourd'hui malgré tout ce qui se passe? Ben, il y a une certaine habitude qui s'est installée, les gens systématiquement présentent leur pass sanitaire, le masque bien sûr est obligatoire pendant la séance et pendant les déplacements au cirque. Voilà, donc nous on fait très attention à ça aussi, pour le respect de nos artistes, pour le respect de notre public aussi, ouais. Parce que c'est important, donc tous les gestes barrières sont respectés au cirque Grus très scrupuleusement, il n'y a aucun souci sur ça. Ouais, en tout cas ça se passe bien, on a vu des photos, j'ai vu des vidéos magnifiques. Oui, on peut voir déjà des petites choses sur internet, ouais, mais les numéros sont vraiment très très beaux, et je si on veut vraiment se régaler et se faire plaisir, voilà, c'est un très beau, très très beau spectacle. Un très beau spectacle à ne pas rater. C'est du 20 au 31 décembre. Ouais, tout à fait. Toutes les infos sur c'est à Saint-Jean-de-Bray, oui. Et toutes les infos sur Facebook, Instagram, et puis sur le site de l'école de cirque Alexis Anargoul-Grus. D'accord. Là, on est à Saint-Jean-de-Bray, Alexis Grus. Toi, pourquoi pas un cirque énorme, peut-être en région parisienne ou à l'étranger, je sais pas. C'est une idée qui me vient comme ça à l'esprit. Pourquoi pas Monsieur Loyal? On m'a déjà posé la question, ouais. Mais dans le rôle de Monsieur Loyal, je serais exclusif au cirque d'Alexis Anargoul-Grus, déjà parce que au-delà de ça ce sont des amis, et c'est parce que j'ai vraiment pris plaisir dans ce cirque là et comme je te le rappelle, mon métier c'est avant tout chanteur. Oui. Voilà, et je m'éclate ici, j'ai pas forcément envie d'aller faire Monsieur Loyal ailleurs, c'est du moins pour l'instant, mais c'est vrai que même dans les années à venir, tant que je pourrais le faire chez Alexis, parce que peut-être qu'un jour il aura envie aussi de changer de Monsieur Loyal, etc. Ouais, mais oui, parce que dans le spectacle ça bouge. Mais pour le moment, en tout cas, moi ça sera une exclusivité chez Alexis et Anargoul-Grus. Ouais. Et pourquoi pas Tia de jongleur un jour, imagine. Oh, alors, je sais pas, c'est une idée comme ça. Non, mais c'est une très mauvaise idée. Non mais je dis jongleur, mais comme j'aurais pu dire, je sais pas, cracheur de feu. Ou... Non mais je m'essaye des fois. Je m'essaye à l'école, oui, je m'essaye des fois à faire des choses. Mais je pense que je vais rester chanteur et Monsieur Loyal. Je te verrais bien sur un ballon, marcher sur un ballon, non? Je suis pas sûr. En chantant. En numéro comique, peut-être. Ah effectivement. Tu pourrais être le clown, Thiago le clown, ça serait sympa aussi. Tout à fait. Voilà, et ben on vous rappelle donc les dates, hein, ça a démarré le 20 décembre, et ça démarre le 20 décembre, c'est jusqu'au 31 décembre. Exactement. Hein, tout à fait. Tous les jours. Ouais, tous les jours à 16h, sauf le 24 et le 31 à 14h. Et voilà, toutes les infos sur le site pour pouvoir réserver directement en ligne vos places. C'est quoi ton petit préféré dans le cirque, hein, un personnage préféré? Non. En vrai, j'en ai pas tous les numéros. Jacques Martin, il aime tout le monde. J'aime tout le monde. Non, mais tous les numéros ont vraiment leur particularité et c'est un vrai régal. Donc non, j'ai absolument aucune préférence. C'est vrai que tous les numéros sont tellement différents. En plus, me touchent ou me font extrêmement rire. Donc c'est vrai que c'est. D'ailleurs, si vous voulez me voir dans un rôle un peu particulier, il faut vraiment venir voir le spectacle parce que je pense que vous allez bien vous marrer. J'ai vraiment envie d'y aller aussi, moi, avec plaisir. Ça va me faire vraiment plaisir. Avec grand plaisir. Ouais. Et alors juste pour les enfants qui en prennent plein les yeux parce que bon, ils voient les clowns, etc., des spectacles. Il y a une école de cirque. Tout à fait. À Saint-Jean-de-Bray. Tout à fait. L'école de cirque Alexis Anargoul-Grus qui est à Saint-Jean-de-Bray, voilà, qui elle par contre qui officie toute l'année. C'est pareil pour toutes les infos. Vous pouvez aller sur le site internet pour inscrire vos enfants. Il y a énormément. Ça, je le précise toujours, énormément de bienveillance dans les cours d'Alexis. Ah oui, Alexis tient vraiment à ça. Il y a une très grande bienveillance, et puis il y a voilà un vrai corps professoral qui est là pour des gens du cirque qui sont là vraiment pour pour aider les enfants à aller vers leur discipline, la discipline qu'ils découvrent, ils choisissent. Et c'est vrai que c'est, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de bienveillance dans leur pédagogie, en fait. D'accord. Voilà. On est à 4 jours du top départ, le 20. Yes. Alors, tu te sens comment? Bah, ça va, on a déjà commencé les spectacles parce qu'on a déjà eu aussi, on tourne aussi avec des CE, etc. Donc, on a déjà commencé les spectacles depuis le 27 novembre. Donc, on est quand même un peu rodé pour partir avec le tout public maintenant et qui sera à partir du 20 décembre. Donc, ça va, on a à peu près tous trouvé nos marques. Et puis on a aussi des retours du cirque, ouais, ça fait plaisir quand on voit ne serait-ce que quand on voit les enfants sortir du spectacle avec les yeux qui brillent et tout, c'est notre plus belle récompense, et puis les applaudissements sont notre plus belle récompense aussi pour nous les artistes. Eh bien bravo, hâte de vous voir toute cette belle équipe du cirque sur scène à partir du 20 décembre jusqu'au 31. Vous allez en prendre plein les yeux. Un dernier mot à rajouter avant de se quitter, mon ami Tiad, merci d'être venu déjà. N'hésitez pas à venir voir le spectacle. Ouais, et puis parce que la culture en a besoin, parce que nous les artistes on en a besoin avec tout ce qui se passe, voilà, comme je le rappelle, hein, les gestes sanitaires sont respectés. Très bien, ouais, sont respectés, et puis je pense que vous passerez un bon moment, et on a tous besoin pour le moment de pouvoir se distraire à l'arrivée des fêtes et de pouvoir prendre du bon moment avec les artistes sur scène, quoi. Voilà. Merci Tiad d'avoir accepté merci à Duane de m'avoir invité une fois de plus. Bah, comme d'hab, c'est toujours un plaisir. T'es comme à la maison, hein, t'arrives, hein, tu gardes ton scooter en bas et tu montes. Mais c'est exactement ça. C'est ça. Et le petit café qui va bien. Et c'est parfait, exactement. Voilà, longue vie à tous les artistes, et puis soutenez le cirque, tous ceux qui sont un peu dans la panade en ce moment. Il faut les aider, les artistes. Merci Tiad. Merci beaucoup. Bonne journée. À bientôt. Et je vous rappelle la date du 20 au 31 décembre, le cirque Alexis Grus. Monsieur Loyal est dans le studio, allez le voir sur scène, vous allez voir, vous allez en prendre plein les yeux. Salut Tiad. Salut. Saturday night. Radio Conseil en direct, Algemiro qui arrive dans quelques minutes en direct sur la radio Couleur. Bon réveil et belle journée. 7h, 9h, il vous accompagne au boulot. C'est Francky. Ah ouais, au boulot, bande de feignasses. Voici Maria Carré, puis Algemiro qui arrive dans 7 minutes. That's just the way the story goes. You always smile, but in your eyes your soul shows. Yes, it shows. Algemiro qui est dans les studios. Bonjour Algemiro. Bonjour Francky, comment tu vas? Ah, ça me fait plaisir de te voir. Ah bah oui, parce que... On s'est pas croisé depuis longtemps dans les studios. L'autre fois je t'ai écouté, je dis tiens, il est là. Et puis un lendemain, je suis venu et puis t'étais plus là. Bah ça dépend des jours en fait. Je fais en fonction aussi de mon emploi du temps. Bah oui, là tu es encore fermé pour... On est encore fermé. Mais bon, comme ça mon ami, on n'a pas le choix, qu'est-ce que tu veux faire Aïe. Bon, quel truc, ça va, t'es en forme Algemiro? Ça va. Une belle émission qui démarre, hein, comme d'habitude. Comme d'hab. Bon, ouais. Moi aussi, l'autre fois, j'étais un petit peu... Malade? Enfin, malade, non. J'avais pas de symptômes, mais... Ouais. Voilà, le test n'était pas bon. Ah, mince, là, aujourd'hui, c'est rentré donc, dans le... Donc, on était là, oui, ça va, là. Ah, mais bon, il fallait rester enfermé après, encore. Comme d'hab, hein. Mais bon, là, t'es en pleine forme, ça y est, là. Ouais, ça va, là. T'as repris du poil de la bête, comme on dit. Non, ben, c'est pas marrant. Hein. Non, c'est pas marrant, malheureusement. Là, il n'y a plus de fête, il n'y a plus de... On peut pas danser, on peut pas faire des réveillons, on peut rien faire, c'est fini, là. Bah, pour tout le monde, hein, pour les traiteurs aussi, hein. Tout le monde est sous la... Tout le monde va souffrir, là. Tout le monde va souffrir. Encore une fois. C'est compliqué moralement quand même. Oui, là ça commence à... Il parle de la troisième et de la quatrième. On va pas se vacciner tous les 6 mois quand même, je sais pas. Ah, il y aura plus de place sur le bras pour se faire vacciner après. Hein. J'ai mal au bras. Non, mais c'est vrai que... J'ai eu ma troisième dose là avant-hier. Avant-hier, je crois. Ouais, j'ai mal au bras aujourd'hui encore. Ça tire un petit peu. Bah bon, c'est pour se protéger. Oui, voilà. C'est ce qu'il m'a dit la fille quand j'ai fait le test. Il dit peut-être que j'ai été vacciné, heureusement, parce que sinon peut-être d'autres problèmes. Bah oui, parce que Les hôpitaux sont pleins, hein, sans doute. Ah, il n'y a plus de place. Hein. Reste, ouais. Reste avec nous, reste dans les studios de la radio. Non, non, ben. Sinon, tu dors là, hein, tu dors là. Hein, tu... Non, non, non, mais c'est vrai que c'est pas marrant pour tout le monde. Allez, une émission qui va démarrer. On va retrouver quoi dans ta belle émission du rock? Ah, ben, un peu de tout, comme d'habitude, comme là, ben, des années 50 jusqu'à aujourd'hui. Plein de groupes aussi. Des nouveautés, des nouveautés un petit peu. Des fois, un petit des peu. Fois, pas tout le temps, mais pas tout le temps, mais il y en a. Ok. Et ben voilà, et ben je te donne la place là. Merci et puis à bientôt, bonne fête si on se voit pas. Allez, tout de suite Algemiro jusqu'à midi, c'est bonne ça. Journée. Jusqu'à midi, oui. Ah, tu manges chez toi, tu manges pas ici. Hein. Allez, je vous laisse avec Algemiro tout de suite en direct à la Radio Couleur.